donc un peu les filles. Allez, on va arriver ! Si vous cherchez la bagarre, regardez-moi bien en face. Elle s'imagine que je lui dois tout. Une femme est aimée dans mes bras. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Allez, tout le monde autour de moi. Salut, c'est Eric et bienvenue ici sur l'antenne de RIG 90.7 de la bande FM, RIGFM.fr si vous le suivez via Internet. Bienvenue à cette nouvelle émission Johnny de A à Z, la 513e émission. Et nous sommes aujourd'hui le 1er mars, le mercredi 1er mars. Qui dit 1er mercredi du mois dit évidemment émission en live. Oui, live. Et aujourd'hui, je vous ai concocté un peu plein de medley qu'on a retrouvé tout au long de la carrière de Johnny Hallyday. Oui, il faut savoir un peu que Johnny chante des medley dans ses concerts depuis 1962 en Lausanne ou par exemple à l'Olympia. Hein. Et 3 ans plus tard, à nouveau à l'Olympia lors du Musicorama de 1965. Et puis en 1969, viennent les medley rock'n'roll qui ne lâchera pas jusqu'à sa disparition. En 1976, le medley Rhythm and Soul arrive enfin, et ainsi qu'un petit medley des années 60, voilà, début 60s. Et les medleys seront mis de côté durant quelques années, de 87 jusqu'en 93, où pour les 50 ans du chanteur, ce dernier nous présentera 3 superbes medleys pendant plus de 3 heures de show. Oui, les 3 heures de show, c'est pas pour ce soir, mais on va écouter ces 3 medleys tout au long de cette soirée. Et les medleys rock'n'roll et medleys rhythm and soul agrémenteront régulièrement les shows de Johnny jusqu'en 2009. À noter aussi un medley pour la télévision en 2011, joué aussi en 2012 sur les plateaux, donc de télévision. Et c'est, on va parcourir tous les medleys, pratiquement tous les medleys que Johnny a fait pendant sa carrière et pendant tous ses concerts. Et si on commençait par le premier medley, celui de 1962, on retrouve Johnny Hallyday en Lausanne, c'était le 4 avril 1962. Bonne soirée à toutes et à tous. Et puis oui, je suis très heureux de vous retrouver tous ici ce soir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Eh bien, après, il y a eu aussi... Oh oh oh oh, mais comme je suis pas prêt de la trouver, je vais garder Dorothy. Ma mère me dit régulièrement, tu ne fais rien, tu perds ton temps. Tu ferais mieux de travailler au lieu de t'en aller traîner. Ah, laisse les filles. Ah, laisse les filles, tu as bien le temps d'avoir des milliers d'embêtements, crois-moi. Mais laisse donc un peu les filles. Mais laisse donc un peu les filles. Mais laisse donc un peu les filles. Kitty watch, kitty watch, kitty watch. Kitty, kitty, kitty, kitty watch. Je ne fais que répéter ce petit air qui commence à m'énerver. Kitty, kitty, watch, kitty, kitty, watch, kitty, kitty, watch, kitty, kitty, watch, kitty, kitty, watch, kitty, kitty, watch, kitty, kitty, watch, kitty, kitty, watch, kitty, kitty, watch, kitty, kitty, watch, kitty, kitty, watch, kitty, kitty, watch, kitty, watch, kitty, watch, kitty, watch, kitty, watch, kitty, watch, kitty, watch, kitty, watch, kitty, watch, kitty, watch, kitty, watch, kitty, watch, kitty, watch, kitty, watch, kitty, watch, kitty, watch, kitty, watch, kitty, watch, kitty, watch, kitty, watch, kitty, watch, kitty, watch, kitty, watch, kitty, watch, kitty, watch, kitty, watch, kitty, watch, kitty, watch, kitty, watch, kitty, watch, kitty, watch, kitty, watch, kitty, watch, kitty, watch, kitty, watch, kitty, watch, kitty, watch, kitty, watch, kitty, watch, kitty, watch, kitty, watch, kitty, watch, kitty, watch, kitty, watch, kitty, watch, kitty, watch, kitty, watch, kitty, watch, kitty, watch, kitty, watch, kitty, watch, kitty, watch, kitty, wat veux bien me laisser faire. Entends-tu de journée entière? Eh non, c'est pas ça! On n'a pas évolué à ce point-là, quand même. Si tu veux bien me laisser faire, pendant une journée entière, je suis capable pour te plaire, de te donner en 4000 baisers. Je prends des paris à la ronde, sans perdre plus de 10 secondes. Je promets devant tout le monde, de te donner 24000 baisers. Je ne sais pas ce qui se passe, moi tu chéris, plus je t'embrasse. J'ai envie de t'embrasser. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Je m'attends ça quand tu m'enlaces. Et comme je ne suis pas de classe, je ne laisserai pas ma place. Quand je te donne 4000 baisers, et lorsqu'une fois sans te verra, il me faudra quitter la terre sans même faire une prière. Je suis bien certain que Saint-Pierre, en me voyant toujours sincère, me permettra de t'embrasser tout le temps de l'éternité. Souvenir, souvenir, je reviens tout dans mon cœur, et vous faites refleurir tous mes rêves de bonheur. Je me souviens du soir de danse, je contrejure des rendez-vous de nos vacances, quand nous faisions les fous. Souvenir, souvenir de nos beaux jours de l'été, lorsque nous partions cueillir 1000 fois 1000 baisers. Et pour m'y garder dans ma tête les joies de la belle saison. Souvenir, souvenir, pour assurer mes copains. Par cette cette fille-là, mon vieux, ouah, elle est terrible. Tu me dis que tu l'aimes, je sais, tu dis vrai, et pourtant, moi je t'aime bien plus fort en secret. Un matin, quand il partira, quand tu pleureras, dis-toi bien que tu vivais tes tendres années. Dis-toi bien que tu vivais tes tendres années. Pas terrible l'enchaînement, moi je trouve qu'il est pas terrible, du tout. Je veillais à vos commentaires, c'est pour ça, et donc je me suis fait avoir. On va retrouver évidemment, il y aura quelques doublons au niveau de quelques titres dans les... comme celle-là par exemple, on a fait quitter version pas cette chanson, et voilà, on est sur pas cette chanson. Johnny au Parc des Princes en 1993. Ce tir-là, il me rappelle autrefois. Oublie-le, s'il le faut. Ne touche pas à ce piano. Oh non, ne le joue pas. Dans mon cœur, on est tiens. Je pense à toi quand revient la lune qui brille, tu la vois aussi, mais trop loin de moi. Jusqu'à la fin du monde, retiens la nuit pour le cœur dans sa course vagabonde. Serre-moi fort contre ton corps. Il faut qu'à l'heure des folies, le grand amour règne le jour et nous fasse oublier la vie. Retiens la nuit. Avec toi, elle paraît si belle. Retiens la nuit, mon amour, qu'elle devienne éternelle. Dans le bonheur des noms de cœur, arrête le temps et les heures. Je t'en supplie à l'infini. Retiens la nuit. Yeah. t'étais un charpentier, si tu t'appelais Marie, voudrais-tu alors m'épouser et porter notre enfant? Ma maison ne serait pas palais d'un grand roi, tu l'aurais construite pour toi, seul avec mes mains. Quand notre fils sera un homme, il aura beaucoup à faire. Si j'étais un charpentier, si tu t'appelais Marie, mes mains seraient sèches et dures, elles étaient si fragiles. Moi si j'étais un charpentier, je t'appelais Marie, voudrais-tu alors m'épouser et tout recommencer? Émission ce soir spéciale medley dans l'émission Johnny de A à Z. Que des medleys pendant plus de deux heures. Et cette fois-ci, on va aller du côté de la télévision. Retrouver John Hallyday et Charles Aznavour, c'était voilà, au cours d'une émission Sacrée Soirée datant du 15 avril 1992. Ils sont bien, hein ? Il y a une ferme du recteur parce qu'ils sont en baissé, moi. Ah, c'est toi qui as écrit ça pour Sylvie. Oui, j'avais écrit la ça. La plus belle pour aller lancer. Pour quelqu'un qui te serait prêt, j'oserais dire. Oh, très près, même. Très près, même. Hein. Eh oui, la plus belle pour aller danser. Écoute, ce soir, elle sera la plus belle pour aller danser avec toi. Comment ? Avec moi. Et bien sûr, oui. Pour mieux les vincer toutes celles que j'avais tenues dans mes bras. Oh là là, et y en a. Je veux lui donner le souffle qui manque à sa vie dans un premier cri de bonheur et cueillir ce soir le printemps nouveau de ses jours et l'amour en mon cœur pour connaître la joie nouvelle du premier baiser. Moi, je sais. Moi, je sais pas, moi. Au seuil des amours éternels, il faut qu'elle soit la plus belle pour aller danser. Eh oui, t'en as rendu la plus belle. La plus belle pour aller danser. J'ai fait ça hier, hein. J'ai l'impression que c'était hier tout ça. C'était avant-hier. La plus belle pour aller danser. Alors j'ai une réponse à cette chanson. Parce qu'à l'époque, tu avais écrit ça pour Sylvie, mais tu avais écrit une chanson pour moi. Toujours avec Georges Gardner. Finalement, je lui répondais. À donner. Retiens la nuit pour nous deux jusqu'à la fin du monde. Retiens la nuit pour nos cœurs dans sa course vagabonde. Serre-moi fort, très fort, contre ton corps plus fort. Il faut qu'elle redécolle le grand amour. À chaque fois, c'est le grand amour. Veille le jour. Absolument. Et nous fasse oublier la vie. La nuit. La nuit. Avec toi. Elle sera si belle, tu sais. Retiens la nuit, mon amour, qu'elle devienne éternelle pour le bonheur de notre cœur. Arrête le temps et les heures de ton soupir. une chanson que tu chantes habituellement là. J'ai chanté cette chanson en français, mais j'ai fait en Italie. Je me rappelle d'ailleurs quand tu étais au Festival de San Remo, non, Festival de Venise, tu étais au premier rang et tu m'avais écouté chanter cette chanson. Mais je ne connais pas les paroles. Je parle italien, non si. Je parle, mais non, je connais les paroles. Aspetta. Vedo nei vuoi chi tuoi, laghi e foreste che non avrai visto mai. Sento che cambierà, domani tornerà la mia felicità. Quanto t'amo, quanto t'amo, non lo sai. Quanto t'amo, quanto t'amo, non lo sai. Et puis aussi en français, ça. Ça, tu la connais en français? Oui, je peux. Bon. Quand tes cheveux s'étalent comme un soleil d'été et que ton oreille ressemble au champ de blé, quand l'ombre et la lumière dessinent sur ton corps, continue à dessiner, va. Des montagnes et des forêts, oh Dieu, et toujours voulu chanter. Tu la chantes. Une chanson que j'adore. Je te laisse la chanter. Sur ma vie, je t'ai juré un jour de t'aimer jusqu'au dernier jour de mes jours. Et le même mot devait très bientôt nous unir devant Dieu et les hommes. Ma vie, je t'ai fait le serment que ce lien tiendrait jusqu'à la fin des temps. Ainsi nous vivions ivres de passion et mon cœur. Que Johnny appréciait beaucoup cette chanson, qu'il la reprendra également en clôture de son spectacle du Stade de France en 1998. Un autre passage télé à présent, Johnny Hallyday dans Champs-Élysées, le 26 novembre 2011, avec ce medley. Soirée medley dans l'émission Johnny de A à Z. Tous quelque chose en nous de Tennessee, cette volonté de prolonger la nuit, ce désir fou de vivre une autre vie.

medley de 2011. À présent, voici le medley soft slow de 1976. John Hallyday au Palais des Sports et ce soir sur l'antenne de RIG dans l'émission Johnny de A à Z. Bonsoir. Comment ça va ce soir? Moi ça va très très très bien. Il fallait quand même que je vous le dise, je vous trouve formidable. Vous savez, j'avais arrêté de chanter sur scène pendant quelques temps. Et puis j'étais parti aux États-Unis pendant moins longtemps que prévu. Moins longtemps que prévu parce que je me suis rendu compte qu'on n'est jamais aussi bien que chez soi. Et ensuite, la deuxième chose que je dois quand même vous avouer, c'est que vous commenciez à me manquer sérieusement. On va vous chanter une chanson. J'espère que vous vous rappelez de celle-ci. Tu me dis que tu l'aimes, je sais. Il dit vrai, merci. Et pourtant, moi je t'aime bien plus fort en secret. Un matin, quand tu partiras, quand tu pleureras, dis-toi bien que tu vivais tes tendres années. C'est mon cœur. Si mon cœur ne peut être pour toi le premier, j'attendrai enfin d'être dans ta vie le dernier. Je serai dans ton avenir, loin des souvenirs, pour te faire oublier de tendres années. Retiens la nuit pour nous deux jusqu'à la fin du monde. Retiens la nuit pour nos cœurs dans sa course vagabonde. Serre-moi fort contre ton corps. Il faut qu'à l'heure des folies, le grand amour raye le jour et nous fasse oublier la vie. Retiens la nuit, avec toi, elle paraît si belle. Retiens la nuit, mon amour, qu'elle devienne éternelle. Pour le bonheur de nos deux cœurs, arrête le temps et les heures. Je t'en supplie à l'infini, retiens la nuit. J'en m'appelle l'idole des jeunes. Il en est même qui m'envie. Mais ils ne savent pas dans la vie que parfois je m'ennuie. Je cherche celle qui serait mienne, mais comment faire pour la trouver? Le temps s'en va, le temps m'entraîne. Je ne fais que passer. Dans la nuit, je file, tout seul de ville en ville. Je ne suis qu'une pierre qui roule toujours. J'ai bien la fortune et plus, et mon nom partout dans les rues. Pourtant, je cherche tout simplement l'amour.

for the money, two for the show. Try to get it ready now, don't try to hold the dance. Step on my message. Well, you can do it with a bank, step on my balloon station. Well, you can knock me down, my face, sign my name all over the place. Do all the things that you want to do. I'm a nice youth, don't you? Step on my balloon station. But if you do it with a bank, step on my balloon station. Oh, that's like a... Get it ready now, don't go, go, go, don't you? Step on my blue station. Well, if you know what I'm talking about, step on my blue station. Well, right up, left, left, blue station. Left, left, blue station. Left, left, blue station. Left, left, blue station. Well, if you know what I'm talking about, step on my blue station. Le Zénith 1984 pour arriver au Parc des Princes en 1993 et ce fameux medley 60s. Souvenir, souvenir, on l'a déjà écouté ça. Souvenir, souvenir, je vous retrouve mon cœur et vous faites refleurir tous mes rêves de bonheur. Dans la journée, les ailes dansent. Dans les rues de nos vacances, nous faisons les fous. nous partions cueillir mille fleurs, mille baisers. Et pour regarder dans ma tête les plats de la belle saison. Souvenir, souvenir, il me reste des chansons. Ma mère me dirait qu'il y en a, tu ne fais rien, tu perds ton temps. Il vaudrait mieux le travailler au lieu de t'en aller traîner. Et c'est fini. Oui, et c'est fini, tu as bien le temps d'avoir des milliers d'embêtements, crois-moi. Donc un peu les filles, ils vont penser à ces conseils. À la fenêtre se met en merveille. Je regarde passer ces demoiselles pendant que ma mère qui te fait belle. Laisse tes filles, laisse tes filles, tu as bien le temps d'avoir les milliers d'enlèvements, crois-moi. Laisse donc un peu les filles, laisse donc un peu les filles. Come on. On retrouvera le Parc des Princes 93 dans quelques minutes, bien entendu. Et là, nous allons aller en 1988 dans les arènes de Nîmes. Et on ne pouvait pas passer à côté de ce magnifique medley. Tom Dooley, Loving You et Voila Shaking Going On. Vous écoutez RIG, la radio de Johnny Hallyday le mercredi soir de 22h jusqu'à minuit. Ça va ? J'ai commencé à chanter. Je chantais une chanson au milieu d'un tour de danse, c'est-à-dire de mes cousins qui s'appelaient les Hallydays. Mon premier contrat, c'était dans un endroit qui s'appelait Pasteur Bois de Boulogne. Non, non, non, non, c'est pas ce que vous croyez. C'était dans un restaurant, dîner, avec du numéro. Et le premier soir, je chantais. On m'a viré. Il paraît que je faisais trop de bruit. Ça dérangeait les gens qui mangeaient. Et pourtant j'avais commencé une chanson comme ça. Hang down your head, Tom Dooley. Hang down your head and cry. Hang down your head, Tom Dooley. Poor boy, you're gonna die. Ça allait. Mais ça a commencé à gâcher quand j'ai continué sur Hang on your head, Tom m'a dit dehors. J'ai dit non, donnez-moi une chance et encore une chance. Alors il m'a dit bon petit, il avait un gros cigare. Il m'a dit bon petit, alors encore une chance, mais alors tu te calmes, hein. Des chansons romantiques. Je dis d'accord. Le lendemain je suis revenu long. T'as vu Croquette? Pourquoi t'as vu Croquette? Alors le lendemain, je suis revenu. Mais ne vous inquiétez pas, patron. Je vais vous faire une chanson lente. Je vais chanter une chanson comme ça. La première fois que je le refais sur scène, alors il faut que je me rappelle les accords. I will spend life to loving you, loving you, winter, summer, springtime too, loving you, loving you, makes no difference when always be. le directeur, il était content. Enfin de la musique où les gens peuvent manger dessus. Par exemple, le pauvre King, dans sa tombe, s'il entendait ça aujourd'hui. Alors, il continue comme ça, petit, reviens demain. Demain, je suis revenu, il m'a viré définitivement. Vous savez pourquoi ? Il dit, j'en ai une nouvelle, patron. J'ai commencé comme ça. Là, c'était foutu. Shake it going on. Oui, je vais vous raconter la chose la plus drôle de l'année. Ah, la chose la plus drôle de l'année, ça a commencé comme ça. Ce matin, quand je me suis levé, j'ai pu lire dans un journal très sérieux. Écrit par un journaliste très sérieux. Ce qui prouve que les conneries, c'est pas toujours dans les journaux qu'on pense. Normalement, c'est dans la presse à scandale. Alors, vous savez, dans la presse à scandale, j'apprends toutes les semaines ce que j'ai pu faire la semaine dernière. Mais là, ce matin, je dois dire quand même que c'était quand même quelque chose. On dit que je chante en playback. Alors, comme vous pouvez le voir, je chante en playback. D'ailleurs, je parle en playback. Ça, c'est un micro, donc je parle dans le micro. Ça, c'est une guitare. Quand même, pour vous montrer quelques trucs comme ça, je vais quand même vous faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire tous les soirs, c'était pas prévu. Comme... Well, it's one for the money, two for the show, to get ready now, go, cat, go, don't you? C'est pour ma blues, ain't you? Well, you can do anything, but they are for my blues, ain't you? Voilà. Oui. Avouez quand même que pour des playbacks, c'est pas mal, non ? Oh oui, j'adore les Larsen. Je vais aider au Stade de France en 1998. Il faisait un petit règlement de compte hein, suite à un article qui était paru la veille dans Le Parisien. Comme vous avez pu l'écouter, l'entendre. Et ce fameux medley rock'n'roll. Là, on retrouve un petit medley en unplug avec différents titres tout doux, tout doux, tout doux. Écoutez ça. John Hayday, le 11 septembre 1998, au Stade de France. J'ai des pensées tant de force.

John Hallyday au Stade de France. On va retrouver John Hallyday en 1984 à présent. Et ça, c'était pendant le Sunday Rock de 1984 et ce medley Rhythm and Blues, Rhythm and Soul. Oh, femme. Oh, je t'embrasse, je t'embrasse, je te ferai d'amour. Bienvenue aujourd'hui sur Sandewark. Sur Sandewark. Avec votre ami Sam Bernet et votre ami Johnny Hallyday. En 1984. On va retrouver un moment de radio une nouvelle fois, ça c'était sur RTL en 1979 lors de l'émission Grande Parade animée par Michel Drucker et le jeu de la chanson. Vous écoutez RIG, la radio de Johnny Hallyday, le mercredi de 22h jusqu'à minuit, toutes les semaines. Voilà, voilà un moment que Johnny redoute depuis 3 ans, à mon avis. À mon avis, s'il n'est pas venu à la grande parade, c'est à cause du chanson. Maintenant, Johnny va se trouver face à 10 chansons qu'il n'a jamais chantées et qui n'appartiennent pas à son répertoire. Alors, bien entendu, le règlement l'autorise à avoir les premières lignes de texte, mais pour la musique, il se débrouille. Alors, le pronostic. Qu'est-ce que c'est que ça ? 10. Le pronostic, il pense que tu vas trouver les 10 que je te présente maintenant. Non, enfin, je veux dire que j'ai un peu truqué le jeu. Pardon ? Parce que c'est plus marrant. Qu'est-ce que tu as fait? Je ne lui ai enchanté que 9. Oui. Parce que je vais lui donner une colle, il va enchanter une. Ben alors j'ai dit... Et il ne peut pas dire non, hein. Non mais je peux pas me dégonfler puisque tu m'as dit hier soir, demain tu en chanteras une. Ouais. Mais ce qui est grave, c'est qu'il m'a demandé de fredonner une de ses chansons. Avec tous ces musiciens, Jean Marler. Toi, regarde bien. Par exemple. D'accord. Bon, on verra. Non, il va le faire. J'ai oublié de vivre. Tu veux que je te change? J'ai oublié de vivre. Ouais. Carrément. Bon, d'abord toi, d'accord? D'abord moi. Très bien. Bon. Oui, je préfère. J'ai le temps de réfléchir pendant ce temps-là. Alors, la première chanson, comme d'habitude. Français ou anglais, comme tu veux, Johnny. Hein. Je me lève. La deuxième, chanson de Boris Vian. Le déserteur. Le déserteur. Ça te va, ça, le déserteur? Oui. Monsieur le Président. Oui, merci. Je connais mes textes. C'est Jean-Paul Mingeon, Ricky Garzon et Serge Biondi, nos musiciens habituels qui l'accompagnent. Monsieur, vous pouvez les applaudir. Monsieur le Président, je vous fais une lettre. Ah, il va peut-être se tromper sur la prochaine. Mon pote le gitan, Mouloudji, Montand, Jacques Verrière. Ah bah non, celle-là j'ai chanté quand j'étais petit. Ah, oh, c'était hier alors. Mon pote le gitan, c'est un gars curieux. Une gueule sous ce bras, des carreaux tout bleus. Il reste des heures sans dire un seul mot. Assis près du poêle, au fond du bistrot. Ce gars-là, une roulotte. Quatrième chanson, La mauvaise réputation, Martin. Ah oui. Sans problème. C'est quoi? Oh, oh là là, c'est faux, c'est faux. Oh, village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou je reste quoi? Je pars pour un je ne sais quoi. Pendant de tort à personne. En suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suit une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suit une autre route que. Tout le monde médit de moi. Sauf les muets, ça va de soi. Quatre. Cinquième chanson. Oh là là, qui oh là là. Sylvie Vartan. Alors, 2 minutes 35 de bonheur, ça va être... je ne ferai pas Carlos. Bon. Tu fais Carlos alors? Ah bah, forcément, forcément. Passez-moi un oreiller que je vais mettre sous le pull. Un, deux. Chaque soir, tu vas chanter quand tu n'es pas vraiment loin de moi. Je ne suis pas tout à fait abandonné. Si je m'ennuie, je peux retrouver ta voix. J'y écoute un disque de toi. Ça fait 2 minutes 35 de bonheur. Mais pas me donne quand tu n'es pas là. Un petit peu de joie dans le cœur. Un petit peu de joie dans le cœur. Oh. C'est bien. deuxième chanson. Oh, une des plus belles chansons. Qu'est-ce que vous me faites faire à mon âge, quand même, hein? Oui. Allez, Pépé, la mer. Charles Trenet. Amenez-lui ses cadeaux. La mer, qu'on va danser. Alors, attends, on commence. Vous allez chanter avec nous, là-bas, au fond. Trop de rythme, là, quand même. Ils ont du rythme, hein. C'est une mer d'huile, hein. La mer, qu'on va danser le long des golfes clairs, à des reflets d'argent la mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer, c'était parfait. Septième chanson. Ah, une chanson que vous avez dû fredonner quand vous avez 12-13 ans. Je me voyais déjà, Charles Aznavour, il n'avait pas écrite à l'époque. Quel meilleur ton, là? Je sais pas. Ça, c'est le bon ton, ça. Bon, on va essayer. Faut sauter à l'eau. Je me voyais déjà en haut de l'affiche. Et 10 fois plus gros que n'importe qui, mon nom s'est allé. Je me voyais déjà à Tuileries, signant mes photos aux admirateurs, je bousculais. C'était le plus grand des grands fantaisistes. De voir un succès si fort que les gens m'acclamaient debout. Je me voyais déjà cherchant dans ma liste celle qui le soir pourrait par ma peur se pendant mon tour. Ça aurait dû être plus juste. Non, mais c'est bien. Alors maintenant, la neuvième chanson. Un certain Sardou, un jeune qui débute. Michel Sardou, non. La maladie d'amour. Je te signale que je crois qu'il nous écoute. Il nous écoute? Je crois qu'il nous écoute aujourd'hui. Bonjour Michel. Bon, alors, vous nous aidez, hein. On veut pas si j'estropie ta chanson. Allons-y. Bon, Pierre Dudan, Clopin, Clopin. Oh. On parlait de Bruno tout à l'heure avec François Reichenbach. Voilà, c'est bientôt ton tour. Hein. Qui tient vraiment? Et je m'en vais, Clopin, Clopin, dans le soleil et dans le vent. De temps en temps, le cœur s'enfèle. Y a des souvenirs qui s'amoncellent et je m'en vais clopin, clopin, en promenant mon cœur d'enfant. Comme s'envole une hirondelle, la vie s'enfuit à tire d'aile. Ça fait si mal au cœur d'enfant. Très bien, ça fait 9, bravo. C'était fort. Formidable. Maintenant, la dixième, n'est-ce pas? Avec tes musiciens? Il faut faire gagner ces absolument. J'ai carrément. Germaine Blonde. Tant qu'à être ridicule, allons-y tout de suite, allons-y. Bon, alors, est-ce que t'es... Je suis accompagné par tes musiciens? Ben oui. Vous allez me faire, s'il vous plaît, deux tons plus bas. Oui, deux tons plus bas, oui, au moins deux tons plus bas. Au moins deux tons plus bas, oui. J'ai oublié de vivre. Mais oui, Johnny, je vais te faire ça. Oui, toi, oui. Bon, c'est un fa, hein. Bon, y a-t-il quelqu'un qui m'aime dans la salle? Bon, là. Force de briser. Oui. À force. Attends que ça commence. Oui, d'accord, mais tu m'aides, hein, tu m'aides. On y va. Oh, ouais. Vas-y. Oh, ça c'était mouvant, ça. Si ma mère me voyait. Avec tous les musiciens de Johnny Moore. Ouais. À force de briser. On y va. À force de briser. Mais attends. Non, je me fais la voix. Tu es pressé ou quoi? Alors allez-y. Je démarre au top. Costa, je démarre au top. Tape-moi sur l'épaule, hein. Eh bien, bravo. Bon, 10 sur 10, 10 sur 10, hein, 10 sur 10, grâce à qui, hein, bon. On retourne du côté de Lausanne, c'était en 1962, avec un petit medley très soft, très slow. Un peu de tout et je me sens un peu perdu. Pourquoi cet amour qui m'a fait chanter? Pourquoi s'amuse-t-il à me faire pleurer? Mon septième ciel, chérie, oui, c'est toi. Thème du paradis sur ma vie, sur mes pas, et je n'aime que toi. Mon septième ciel, c'est tes yeux dans lesquels je vois le monde en bleu. Mon septième ciel, je te le dois. Depuis bien longtemps déjà, mon septième ciel, chéri, c'est toi, oui, rien que toi, mon ami. Bien trop timide pour te parler, trop timide pour oser. Un jour me déclarer trop timide, j'ai laissé mon rêve s'envoler. Oh là là, ah chérie, ah pourquoi? Et on retrouve, on repart au Parc des Princes en 1993. John Hallyday sur RIG. Pour moi, la vie va commencer en revenant dans ce pays, là où le soleil et le vent, là où mes amis, mes parents avaient gardé mon cœur d'enfant. Et pour moi, la vie va commencer et mon passé sort de l'oubli. Avec mes amis, pour moi la vie va commencer. Pour moi la vie va commencer. Pour moi la vie va commencer. La génération en veut à la terre entière. Le long des routes, il ne trouve que la misère. Tais-toi sur ton or et sur ta guitare, tu joueras pour sortir du noir. Ton père t'a donné, que ton père t'a donné, que ton père t'a donné. Enfin, gars, il faut choisir dans la vie de ne pas marcher au ralenti. Pour gagner, je prends tous les raccourcis. Si je gagne, alors vous direz, il est à tout casser. Il est à tout casser. Wow. En amour, je ne fais pas le renard. Comme le ciel me laisse, on me prend. J'en crois. Tu triches au jeu dans le pays. On te surnomme par tout le maudit. Mais attention, un jour tu finiras dans la poussière. Les bras en croix. Avec ta solence, tu défies les hommes. Prends leur table pour que ils font par comme. Dans ce petit jeu, tu t'amuses trop. S'il est à ta faute. Les bras en croix, dans la poussière, les bras en croix, adieu la vie. Adieu la vie, oui tant pis pour toi. J'espère que la soirée est bonne. À écouter ces fameux medley tout au long des concerts de Johnny Hallyday de 1962 jusqu'à 2011. Et là, on se retrouve à la Tour Eiffel, sur le Champ de Mars. C'était le 10 juin 2000. Et avec ce fameux medley R&B, aussi on a Noir c'est Noir, Si j'étais un charpentier, Jusqu'à minuit, Joue pas de rock'n'roll pour moi. Tout ça, c'est pour vous, dans l'émission Johnny de A à Z. Gris c'est gris, mais c'est fini. Oh oh oh, ça me rend fou. Mais tu as ton amour et je perdure. Je suis dans le noir et j'ai du mal à croire au cri de l'ennui. Je te crie, oh, oh, oh, oui. Je ferai tout pour sauver notre amour, oui, tout jusqu'au bout. Si un mot tout changeait, je le trouverai. Il me faut sans douter, il faut essayer. Par ces noirs, jamais trop tard. Pour moi tu cries, j'en vais plus dans ma vie. Oh non, je me rends fou. Perdre tant l'amour que j'ai l'amour. Et maintenant, pour le sommet, je suis prêt. si j'étais un charpentier, je t'ai appelé Marie. Faudrais-tu alors m'épouser et porter notre enfant? Ma maison ne serait pas le palais d'un grand roi. Je l'aurais construite pour toi, seul avec mes mains. Te donne, tu dois être forte. Et quand notre fils sera un homme, il aura beaucoup à faire. Ouais. J'étais un charpentier, si tu t'appelais Marie, où mes mains seraient sèches et dures, et les tiennes si fragiles, où les hommes et leurs corps viendraient la nuit pour tuer. Nous fuirions dans le désert, cacher le nouveau-né. Charpentier, si tu t'appelais Marie, comment voudrais-tu alors m'épouser et tout recommencer? Je suis plus dur que tu ne crois. Ne te sers pas de souvenirs. Joue pas le rock and roll pour moi. Hey tout le monde! Joue pas le rock and roll. Joue pas le rock and roll. Joue pas le rock and roll pour moi. Tu fais ce qu'un homme devait faire pour sonnant. Mais le doute et la folie marchent à tes côtés. Puis on parlait de ton retour et de le souvenir. Avec une voix tigresse dans la carrosse un tour usé. Chaque mot est un mensonge à travers un sourire. Oh non, ouais. Nous n'avons plus rien à nous dire. Je suis plus dur que tu ne crois. Je ne te sers pas et de se rire. Et moi, joue pas ton rock and roll pour moi. Hey! Joue pas le rock and roll. Joue pas le rock and roll. Joue pas le rock and roll pour moi. La Tour Eiffel et on le retrouve 3 ans plus tard. Parc des Princes 2003. Et ce medley rock'n'roll commençant par Loving You. Loving You. winter, summer, springtime too. Loving you, loving you makes no difference where I go or what I do. You know that I will always be loving you, just you. If I'm seen with someone new, don't be blue, don't you be blue. I'll be faithful, I'll be true, true to you, true to you. There is only one for me and you. Ça a été pour le tour en fort de Marie, tout for the show. I feel to get ready now. Go, go, go, go. Step on my little shoe. Well, you can do a little thing. Step on my little shoe. Well, you can knock me down. Step on my face. Sound my name all over the place. Do a little thing. Get up. What did you? On only half a night, she was the dog. Step on my blue spaceship. Well, you can do anything. Step on my blue spaceship. All is better. Well, you can buy my house, steal my car, take my liquor from my whole food truck. Do anything. Get up. What did you? I'm only half a mile. My blue spaceship. Well, you can do anything but step on my blue spaceship. All of it. One for the party, two for the show. Get it ready now. Go, go, go. Don't you step on my blue spaceship. Well, you can do anything, yeah, for my blue spaceship. Well, it's a blue, blue, blue spaceship. Ainsi s'achève cette émission Johnny de A à Z spécial live medley. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté, participé à cette émission. Et je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine pour une nouvelle aventure à l'IDN avec peut-être un album de la semaine, ou j'en sais rien, ou un thème, j'en sais rien. Merci encore toutes et tous pour votre fidélité. Et on se donne rendez-vous la prochaine fois. À bientôt à toutes et à tous. Bonne nuit. Ciao, ciao.